50 languages. 25. 25. 25. في المدينة. En ville. En ville. أود الذهاب إلى محطة القطار. Je voudrais aller à la gare. Je voudrais aller à la gare. أود الذهاب إلى المطار. Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller à l'aéroport. أود الذهاب إلى مركز المدينة. Je voudrais aller dans le centre-ville. Je voudrais aller dans le centre-ville. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Comment vais-je à la gare? Comment vais-je à la gare? كيف أصل إلى المطار؟ Comment vais-je à l'aéroport? Comment vais-je à l'aéroport? كيف أصل إلى مركز المدينة؟ Comment vais-je dans le centre-ville? Comment vais-je dans le centre-ville? أحتاج لسيارة أجرة. J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un taxi. أحتاج لمخطط المدينة. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un plan de la ville. أحتاج لفندق. J'ai besoin d'un hôtel. J'ai besoin d'un hôtel. أريد أن أستأجر سيارة. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. هذه بطاقة الائتمانية. Voici ma carte de crédit. Voici ma carte de crédit. هذه رخصة القيادة. Voici mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire. ما الجدير بالرؤية في المدينة؟ Que faut-il visiter dans la ville? Que faut-il visiter dans la ville? اذهب إلى المدينة القديمة. Allez dans la vieille ville. Allez dans la vieille ville. قم بجولة في المدينة. Faites une visite guidée. Faites une visite guidée. اذهب إلى الميناء. Allez au port. Allez au port. قم بجولة في الميناء. Faites un tour du port. Faites un tour du port. هل هنالك معالم أخرى جديرة بالرؤية؟ Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore?